armées, ô Éternel, Dieu tout-puissant, regarde ses ennemis qui se sont levés contre toi. Ô Éternel, des armées, ô Éternel, Dieu tout-puissant, regarde ses ennemis qui se sont levés contre toi. Qui combat, regarde ses ennemis qui se sont.